إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، دوك لو الشيخ صالح السحيمي حفظه الله تعالى ندي: أما التميمة فإنها لا تجوز بحال. دونك concernant le talisman ou tout objet qu'on accroche sur son corps ou sur le corps des enfants ou autre, tout ceci, en tout état de cause, cela n'est pas permis. وَتَعْلِيقُهَا مُحَرَّمْ, et de l'accrocher, c'est interdit. وَرُبَّمَا تَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ, et il se peut même que cela atteigne le polythéisme majeur. إِذَا اعْتَقَدَ فِيهَا جلب خير أو دفع شر, si jamais la personne elle vient à croire que cela peut amener un bien ou repousser un mal. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه. والحديث رواه الترمذي وأحمد رحمهما الله. ومعنى وكل إليه أي تركه الله إليه. Et il a été authentifié dans le hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce hadith est rapporté par le compagnon Abdullah ibn Hakim radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'accroche une chose, alors Allah subhanahu wa ta'ala le délaisse à cette chose, il le laisse entre les mains de cette chose. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والحديث رواه أحمد. Et dans l'autre hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui accroche donc un talisman ou autre, qu'Allah ne lui donne pas ce qu'il veut, qu'Allah ne lui donne pas la guérison qu'il recherche. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك, رواه أحمد والحاكم. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche un talisman, il aura commis un acte de polythéisme. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حلقة من صفر, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال الرجل: من الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا, وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والصفر نوع من المعادن الخفيفة, والواهنة مرض يصيب في المفاصل. Et dans le hadith, un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, et il a vu dans sa main, sur sa main, un fil qui est accroché. Il lui a dit: qu'est-ce que c'est? Et il lui a dit: c'est contre la maladie qu'on appelle al-wahina. Et il l'explique en étant une maladie qui touche l'endroit des articulations des membres du corps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: enlève-la, enlève ce fil, car il ne fera que te rajouter dans la maladie. Cela n'atténuera pas la maladie, ne mettra pas un terme à la maladie, mais il ne fera que en rajouter à la maladie. Et il est dit que ce fil, c'est un fil, qui est un anneau de sifr. Et il a dit que ça, c'est une sorte de matériau qui est léger. C'est peut-être le cuivre. Hein. C'est ça hein, c'est le cuivre. Hein, et même jusqu'à maintenant, je crois, il y en a qui se servent de bracelets de cuivre ou d'anneaux de cuivre contre certaines maladies. Et cela est interdit. Donc, il lui a dit, enlève-la. Que cela ne fera qu'accentuer et rajouter dans ta maladie. وقد رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا قد ربط على يده خيطا من الحمى فقطعه حذيفة رضي الله عنه ثم تلا قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Et le hadith d'avant, il est rapporté par Ibn Majah et Ahmed, comme on a vu. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, le compagnon, a vu un homme qui a attaché à sa main un fil contre la fièvre. Ou contre, parce que l'humma, on l'emploie pour la fièvre, ou alors contre le poison du scorpion. Il a été piqué par un scorpion. Et il lui a arraché, il lui a coupé ce fil, radiallahu anhu, et il lui a récité la parole d'Allah le Très-Haut, qui dit dans le sens du verset, « Et la plupart d'entre eux ne croient qu'en étant des polythéistes. »« وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Et la plupart d'entre eux ne croient, ils sont croyants, mais au même moment, qu'est-ce qu'ils sont ?» Ils sont polythéistes. C'est-à-dire, ils ont la croyance dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croient en Allah, en l'existence d'Allah et en la seigneurie d'Allah. Qu'Allah, il est le seul à créer, à donner la vie, à donner la mort, le seul qui pourvoit. Il est le seul dans ses actes, subhanahu wa ta'ala. Mais au même moment qu'ils ont cette croyance, eh ben, ils sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils associent à Allah dans l'adoration. Lorsqu'ils adorent, ils adorent autre divinité avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc d'un côté, ils ont une croyance, mais de l'autre côté, ils sont polythéistes. Et cette partie de croyance ne leur est pas bénéfique, parce qu'ils ont associé à Allah dans l'adoration, et de ce fait, ils sont complètement des polythéistes. Donc, ne vous faites pas avoir par des gens qui essaient de vous expliquer La ilaha illallah en lui donnant un sens qui n'est pas son vrai sens. Des gens qui prêchent et qui parlent sans connaissance de l'islam et qui ont besoin d'être qu'on leur fasse le prêche à eux-mêmes. Et ils disent La ilaha illallah, ça veut dire c'est Allah qui nous a créés, c'est Allah qui nous donne la vie, c'est Allah qui nous donne la mort. Ça fait partie de la croyance, mais ce n'est pas ça le sens de La ilaha illallah. Le sens de La ilaha illallah, c'est que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, que tu n'as pas le droit d'adorer autre que lui, que toute adoration, tout culte, tu le voues exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فقد تضافرت الأدلة على تحريم تعليق التمائم كلها. Donc on a plein de récits qui nous sont rapportés sur l'interdiction de tous les talismans ou de tout objet qu'on accroche pour y chercher une quelconque guérison ou protection. Sawa'un kutiba fiha shay'un min al-Qur'an am la. Qu'on ait écrit sur ces talismans ou sur ces choses qu'on accroche du Qur'an ou pas. Parce que parfois vous avez des gens qui vous disent non mais c'est que du Qur'an. Même si c'est que du Qur'an, cela est interdit. Wa man rakhasa fi ta'liq at-tama'im in kanat min al-Qur'an la yultafatu ila qawlihi. Et s'il y a parmi des chirs ou des savants qui ont fait dérogation ou qui ont permis lorsqu'il n'y a que du Coran dessus, leur opinion, on n'y prêtera pas attention. لِأَنَّهُ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيلِ Car il ne se base sur aucune preuve. فَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا إِلَّا خِلَافٌ لَهُ مَعْنًا مِنَ النَّظَرِ Donc ce n'est pas toute divergence qui est reconnue et qui sera prise en considération tant qu'elle n'a pas de preuve sur laquelle elle se base. Wa idhan fa ta'liq al-hujub allati yaktubuna min al-Qur'an yaktubunaha min al-Qur'an thumma yu'alliqunaha 'ala al-mardha la yajuz bal huwa muharram. Donc toutes ces choses ou ces objets avec lesquels il cherche protection et dans les, sur lesquels il est écrit du Coran, il est interdit d'accrocher cela sur les malades. Cela est, n'est pas permis, cela est interdit. وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمَائِمْ الْمُحَرَّمَ. Et il n'y a pas de différence entre ces talismans et les autres talismans. Ils sont tous interdits. وَذَلِكَ لِلْأَسْبَابِ الْآتِيَةِ. Et ceci pour les raisons qui vont suivre. أولاً, premièrement, عموم النهي الوارد في تحريم التمائم. La généralité de l'interdiction qui est rapportée dans les textes sur les talismans ou tout objet ou chose qu'on s'accroche. وَلَمْ يَأْتِ مَا يُخَصِّصُ هَذَا الْعُمُومِ. Et il n'y a aucun texte qui est venu spécifier cette généralité. وَالْقَاعِدَ الْأُصُولِيَّ تَقُولُ إن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل دليل التخصيص. Et la règle dans les fondements de la jurisprudence, elle dit que le texte général reste sur sa généralité tant qu'il n'y a pas de texte qui vient donner une précision. ثانيا, deuxièmement, إن في تعليق التمائم من القرآن امتحان للقرآن وَتَلَاعُبًا بِهِ. Le fait d'accrocher des objets ou un talisman dans lequel il est écrit du Coran, c'est une façon de dénigrer, de rabaisser, de manquer de respect au Coran. Et pour certains même, c'est comme une façon de jouer avec le Coran. لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَرِّضُهُ لِلنَّجَاسَاتِ وَالْأَمَاكِنِ الَّتِي يَجِبُ أن ينزه عنها القرآن. Car cela amènerait la personne à faire rentrer, à rentrer avec cette chose qui lui est accrochée dessus, sur son corps, ou une étiquette du Coran, dans des lieux mauvais, dans des lieux malsains, dans des lieux dont on doit purifier le Coran de ces lieux-là, comme les toilettes ou autres. Thalithan, troisièmement, Sadd al-Dhari'a, on ferme la porte. Sadd al-Dhari'a, c'est une façon de dire de fermer la porte. Une chose, on ne la commettra pas parce qu'on sait que si on ouvre cette porte, elle va nous amener à un mal bien plus grand. Ça peut nous emmener au polythéisme. Et ça, c'est parmi les règles dans l'islam que des choses sont interdites, pas pour elles-mêmes, mais elles sont interdites parce qu'elles amènent à un grand mal. Et pour ne pas tomber dedans, alors on ferme la porte et toute porte qui y amène. Cette de Zari'a, فإنه لو رخص بتعليق التمائم من القرآن لأدى ذلك إلى تعليق التمائم حتى من غير القرآن وقد حصل ذلك. Car si on permet, on fait dérogation pour les talismans. Il y a un autre nom, c'est talisman, c'est compris. Pour les talismans sur lesquels est écrit du Coran, cela va amener, cela amènera que les gens s'accrocheront des talismans où il y a écrit autre que le Coran et ceci existe déjà. Et ça, on le voit déjà. Rabi'an, quatrièmement. Inna mithla hadha al-amal lam yathbut an ahadin min as-salaf. Ce genre de procédé ou d'action, hein, cela ne nous a pas été rapporté d'une source fiable des pieux prédécesseurs. وما نسب الى الصحابه في ذلك لم يصح منه شيء. Et ce qui a été rapporté, on dit qu'il est rapporté de certains compagnons à ce sujet, il n'y a rien d'authentique là-dessus. ولو كان ذلك مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل الينا نقلا صحيحا. Et si cela était légiféré, eh ben cela aurait été démontré par le messager sallallahu alayhi wa sallam et on nous aurait rapporté ces récits, hein, d'une manière authentique. Idil bayan La yu'akharu an waqti al-haja. Car pour le prophète, c'est une obligation de montrer la loi et la règle, et il n'est pas permis de le retarder du moment du besoin. Hada wa qad wujida fi zamanina hada ba'd al-musha'widhin wal-murtaziqa alladhina yaktubuna al-hujub lin-nas fi awraq yastashfuna biha wa yu'alliquna 'alayha alayhim liya'kulu amwal an-nas bil-batil wa yufsidu 'alayhim dinahum wa 'aqidatahum. Et en plus, on voit à notre époque certains charlatans, certaines personnes qui ne cherchent qu'à gagner par ces moyens une certaine richesse. Ils écrivent dans ces talismans des choses pour les gens sur du papier pour y chercher guérison. Et ces gens s'accrochent cela sur eux. Pourquoi ? Ils ne font ça que pour manger l'argent des gens par des moyens qui sont faux, et pour corrompre la religion des gens ainsi que leurs dogmes et leurs croyances. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحْذَرُوا مِنْهُمْ. Donc il est un devoir pour les musulmans de se protéger et d'être mis en garde contre ces gens. وَأَنْ يَجْتَنِبُوا التَّدَاوِي عِنْدَهُمْ. Et qu'ils s'éloignent d'aller les voir pour y chercher une quelconque guérison. لِأَنَّهُمْ يَتَلَاعَبُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ. Car ces gens s'amusent et jouent avec le livre d'Allah. وَيَخْدَعُونَ بِشَعْوَذَتِهِمْ ضِعَافَ الْإِيمَانِ. Et ils trompent les gens faibles dans leur foi, qui sont faibles dans leur foi par leur charlatanisme. السابع. Et il y en a beaucoup. Tout ce que vous voyez qui s'appelle les marabouts, hein, les voyants, les médiums et leurs semblables, tous ces gens-là, ce sont des gens mauvais. Il faut s'en éloigner. Il ne faut pas les approcher, il ne faut pas les contacter. Et ils font tout pour attirer les gens, par tous les moyens. Chez les mécréants, ils ont les leurs, leurs charlatans. Et chez, dans la communauté musulmane, ils viennent au nom de l'Hajj, de l'Hajja, au nom de l'Fqih. Hein? Ça, on l'a, même dans nos pays. Et parfois, ils vous récitent des versets coraniques. Tout ceci pour vous endormir et prendre l'argent qu'il y a dans votre poche. C'est ce qui les intéresse, wal'iyadhu billah, et par des procédés qui sont interdits. Et combien d'entre eux tombent dans des actes de polythéisme et dans des actes de mécréance, qu'Allah nous en préserve. As-sabi', septième chapitre, at-tawassul. At-tawassul, qu'on pourrait traduire, souvent le terme, on le garde en arabe, la prise d'intermédiaire, ou le moyen de se rapprocher, ou le moyen de se rapprocher. Et ça, c'est un terme que beaucoup retrouvent chez les soufis, mais qui est un terme religieux et qui existe en islam, et que le musulman se doit d'apprendre et de comprendre son véritable sens pour ne pas être détourné par les soufis qui l'emploient dans un sens qui n'est pas le sien, dans un sens qui est faux. Et ils disent aux gens, ce qu'on fait nous, c'est du tawassul. Et en réalité, souvent, c'est des actes de polythéisme. Mais il lui donne le nom de tawassul, qui à la base existe dans la religion, et que souvent on retrouve les gens ignorent le véritable sens de ce terme. At-tawassul, lughatan at-taqarrub. Donc, dans la langue, le terme tawassul, c'est le fait de se rapprocher. C'est le rapprochement. Wal-wasila, et la wasila, hiya ma yutaqarrabu bihi ila al-matloub. Et le terme wasila, c'est ce avec quoi on se rapproche, hein, de ce qui est demandé, de celui qu'on demande. Wahiya al-wasita. Et c'est le moyen d'atteindre. C'est l'intermédiaire. Wasabab alladhi yusilu ila al-murad. Et c'est la cause qui t'amène, qui te lie à ce que tu veux. Ja'a fi an-nihaya l'ibn al-Athir. Rahimahullah ta'ala. الواسل الراغب والوسيلة القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل. Donc Ibn al-Athir, rahimahullah, dans son livre An-Nihaya, c'est un livre où il explique des termes qu'on retrouve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est leur sens. Donc c'est comme un dictionnaire des mots qu'on retrouve dans les hadiths, des mots souvent qui sont difficiles à comprendre ou qu'on a du mal à comprendre. Eh bien, il a fait un dictionnaire pour expliquer ces termes. Et il dit dans son livre, Al-Wasil, c'est Al-Raghib, c'est celui qui veut. Wal-Wasila, c'est Al-Qurba wal-Wasita, c'est le rapprochement et l'intermédiaire. Et ce avec quoi on veut se rapprocher d'une chose, et le pluriel, c'est Wasail. Donc, ce sont les moyens, ce sont les causes et ce sont les intermédiaires. وَجَاءَ فِي الْقَامُوسِ donc un autre dictionnaire وَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَوْسِيلًا عَمِلًا عَمَلًا عَمِلَ عَمَلًا تَقَرَّبَ بِهِ إِلَيْهِ كَتَوَسَّلْ donc وَسَّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَ تَوْسِيلًا c'est-à-dire qu'il a accompli une action pour Allah pour se rapprocher de lui. مَعْنَ الْوَسِيلَ فِي الْقُرْآنِ le sens du terme وَسِيلَ qui est employé dans le Coran. ما ذكرناه من المعنى اللغوي هو المعنى الذي فسر به السلف لفظ الوسيلة الواردة في القرآن. Donc, ce qu'on a cité comme sens du terme wasila, le sens littéral, linguistique, c'est le même sens qu'ont donné les pieux prédécesseurs à ce terme qu'on retrouve dans le Coran. والذي لا يخرج عن معنى التقرب الى الله تعالى بالاعمال الصالحه et qui ne sort pas de ce sens qu'on a vu qui veut dire de se rapprocher d'Allah par les bonnes œuvres. التوسل c'est de se rapprocher d'Allah par al-wasila et al-wasila c'est quoi? C'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres c'est la cause avec laquelle on se rapproche d'Allah. C'est le moyen avec laquelle on se rapproche d'Allah. C'est l'intermédiaire avec laquelle on se rapproche d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa qad ja'a dhikru al-wasila fi al-Qur'an al-Karim fi ayatayn fi suratay al-Ma'idah wal-Isra. Et le terme al-wasila, il a été employé dans le Saint-Coran à deux reprises. Dans les deux sourates, la sourate al-Ma'idah et la sourate al-Isra. Wahuma, et les paroles d'Allah sont Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. La première parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété envers Allah, craignez Allah et cherchez auprès de lui cet intermédiaire, c'est-à-dire rapprochez-vous de lui avec les bonnes œuvres et combattez dans son sentier afin que vous réussissiez. Wa qawluhu subhanahu ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabahu in 'adhab rabbika kana mahdhura. Et dans l'autre verset d'Allah glorifié soit-il dans le sens du verset voilà ceux qu'ils invoquent. C'est-à-dire les polythéistes, ils invoquent des personnes. Mais ceux qu'ils invoquent eux-mêmes, ils cherchent à se rapprocher d'Allah par cet intermédiaire, par cette cause qui est les bonnes œuvres. Hein, pour être le plus proche de lui, et ils espèrent sa miséricorde, et ils craignent son châtiment, car véritablement, le châtiment de ton Seigneur, il est craint. فأما الآية الأولى concernant le premier verset فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيرها concernant ce premier verset l'imam des mufassir l'imam des exégètes le grand savant ابن جرير الطبري رحمه الله a dit dans son commentaire اتقوا الله يقول أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بِالطَّاعَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ faites preuve de piété envers Allah, craignez Allah, c'est-à-dire répondez favorablement à l'appel d'Allah dans ce qu'il vous ordonne et dans ce qu'il vous interdit par votre obéissance à cela. Il vous ordonne, vous accomplissez. Il vous interdit, vous vous abstenez. وابتغوا إليه الوسيلة. Et cherchez auprès de lui, à vous rapprocher de lui par les bonnes œuvres, par cet intermédiaire qui sont les bonnes œuvres. يقول واطلبوا القرب إليه بالعمل بما يرضي. C'est-à-dire, cherchez à vous rapprocher de lui par les actions qui plaisent et qui sont agréées par lui. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما. Et le grand savant, l'imam Ibn Kathir, dans son grand tafsir, il dit, d'après Abdullah ibn Abbas, رضي الله عنهما, أن معنى الوسيلة فيها القربة. Il dit que le sens du terme الوسيلة dans le verset, c'est le rapprochement, le fait de se rapprocher. ونقل مثل ذلك, et il est rapporté cela aussi, il a rapporté aussi cela de عن مجاهد والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. Tous ceux qu'on vient de citer et bien d'autres. ونقل, et il a cité aussi عن قتادة قوله فيها. Et il a cité aussi la parole de قتادة رحمه الله à ce sujet. أي تقربوا إليه بطاعته. Il a expliqué cela en disant, c'est-à-dire rapprochez-vous de lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son obéissance. Par le biais de son, par le moyen de son obéissance. وَالْعَمَلْ بِمَا يُرْضِيهِ. Et en appliquant avec ce qu'il aime et ce qu'il agrée. ثُمَّ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ. Puis Al-Hafidh ibn Kathir, رحمه الله, dit وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيهِ. Et ce qu'on vient de voir comme explication rapportée de ces imams, il n'y a pas de divergence là-dessus entre les exégètes, entre les mufassir, les commentateurs du Coran. وَالْوَسِيلَ هِيَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ. Et la wasila, c'est le moyen employé pour atteindre ce qui est voulu. وَأَمَّا الْآيَةَ الثَّانِيَةَ. Et concernant le deuxième verset, فَقَدْ بَيَّنَ الصَّحَابِيُّ الْجَلِيلُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنَاسَبَةَ نُزُولِهَا الَّتِي تُوَضِّحُ مَعْنَاهَا. Et concernant le deuxième verset, le noble compagnon, l'honorable compagnon, عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, nous cite la cause de sa révélation, qui est la cause, et avec la cause de la révélation, il nous clarifie le sens véritable du verset, parce qu'on sait pourquoi le verset a été révélé. Faqal, il dit radiyallahu anhu, kana nasun min al-ins ya'buduna nasan min al-jin. Il y avait des gens parmi les humains qui adoraient des gens parmi les djinns. Donc il y avait des humains qui adoraient des djinns. فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. Mais les djinns, ces djinns-là qui étaient adorés par ces humains, ils sont entrés dans l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Et ces humains ont continué à les adorer. Ont continué à les adorer. Et l'explication d'Abdullah ibn Mas'ud, akhrajaha al-Bukhari. Donc elle est rapportée par l'imam al-Bukhari. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. Et le grand savant الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله dit dans son commentaire de Al-Bukhari, puisque c'est rapporté dans Al-Bukhari, et lui il a fait le commentaire Fath al-Bari de Al-Bukhari, أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن. C'est-à-dire que les humains ont continué. Ces humains qui adoraient les djinns ont continué à adorer les djinns. Wal djinn la yardawna bidhalik. Alors qu'à ce moment-là, les djinns n'acceptaient plus cela, n'agréaient plus cela, puisqu'ils sont devenus musulmans. Mais les humains, c'est comme s'ils n'ont voulu rien entendre, ils ont continué à les adorer en dehors d'Allah. La yardawna bidhalik, car ils se sont convertis à l'islam. وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة. Et eux, ces djinns, eux-mêmes, ils cherchaient le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. Et voilà la, ce sur quoi on se base pour expliquer ce verset. كما نص على ذلك الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه. Comme cela a été précisé par le grand imam al-Bukhari dans son authentique d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Wal-aya sarihatun fi anna al-murad bil-wasila ma yutaqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Et le verset, il est bien clair, il est bien explicite que ce qui est voulu par le terme wasila, c'est le moyen avec lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال يبتغون. Et c'est pour cela qu'Allah a dit dans le Coran يبتغون, ils veulent, ils cherchent. أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة. C'est-à-dire, ils demandent ce avec quoi ils vont se rapprocher d'Allah comme œuvre pieuse. وهذا التفسير الذي نقلناه عن السلف في معنى الوسيلة في الآيتين هو الذي تدل عليه اللغة ويؤيده الفهم السليم. Et ce commentaire qu'on a rapporté des pieux prédécesseurs dans, pour la signification du terme al-wasila dans ces deux versets, hein, c'est ce sur quoi repose la langue et qui est aussi soutenu par la compréhension saine. أما من استدل بهاتين الآيتين على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وحقهم وحرمتهم فهذا تفسير باطل وتحريف للكلم عن مواضعه وصرف لللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه. Mais d'aller se servir ou de s'argumenter avec ces deux versets pour dire qu'il est permis de dire que le tawassul, hein, c'est de se rapprocher d'Allah par le biais de la personne des prophètes ou des saints, des vertueux, ou du droit qu'ils ont, ou de la place et du degré qu'ils ont, ou de leur côté sacré qu'ils ont, ça c'est une explication qui est fausse. Et c'est une façon d'altérer les paroles de leur véritable sens et de les faire dévier du sens qui apparaît dans ces termes. وَتَحْمِلْ لِلنَّصْ مَا لَا يَحْتَمِلْ. Et de donner une signification au texte qui n'est pas sienne. فَضْلًا عَنْ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ وَلَا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِمْ. Que dire alors que cela n'a jamais été rapporté, ce genre d'explication ou ce genre de commentaire faux, cela n'a jamais été rapporté de l'un parmi les pieux prédécesseurs, ni parmi les commentateurs du Coran, dont leurs paroles sont prises en considération. Et ça, les soufis, et parmi eux les Habèches, qui est une secte qui est dans le soufisme aussi, se basent beaucoup sur ça. Hein, et ils parlent beaucoup de ce point, mais faussement. Et ils sont dans un égarement évident. وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَسِيلَ هِيَ الْعَمَلُ الصَّالِحِ الَّذِي يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَى اللَّهِ فَإِنَّ هَذَا الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنَ الشَّرْعِ. Maintenant qu'il a bien été clair que الْوَسِيلَ, hein, qui est l'intermédiaire, le moyen de se rapprocher, c'est les bonnes œuvres, les œuvres pieuses avec lesquelles on se rapproche d'Allah. Il est à savoir que cette œuvre pieuse, il faut obligatoirement que cette œuvre pieuse, elle soit reconnue dans la religion et dans la législation. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكِلْ اختيار هذه الأعمال إلينا. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé le choix à nous-mêmes de préciser qu'est-ce qu'une bonne œuvre de ce qui n'est pas une bonne œuvre. Et il n'a pas laissé cela hein, de nous remettre à nos propres raisons et à nos propres goûts. Car si c'était le cas, ben chacun pourrait inventer ce qu'il veut, selon son goût et selon sa raison. Car alors là, elle diffère, il y aurait une différence totale dans les œuvres, d'une personne à une autre. Mais Allah, glorifié soit-il, nous a ordonné de retourner à lui là-dessus. On retourne à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous suivons la guidée d'Allah et l'enseignement qui nous est donné par Allah, subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يُرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. Car ne peut connaître ce qui plaît à Allah que Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala. فَلِهَذَا كَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْنَا حَتَّى نَعْرِفَ الْوَسَائِلَ الْمُقَرِّبَ إِلَى اللَّهِ أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله سبحانه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour cela, pour, il est un devoir pour pouvoir connaître les moyens de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de retourner sur cette question vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ainsi que son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. وَيَعْنِ ذَلِكْ أَنْ نَرْجِعَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et ceci, on ne peut le faire qu'en retournant au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَكُونُ صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ. Et nous avons vu précédemment, dans un des cours précédents, que l'œuvre, elle ne peut être bonne que si elle est faite sincèrement pour Allah. On fait cette œuvre, on l'accomplit pour Allah, subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour lui, et que cette œuvre, elle soit en conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et en conformité avec la législation d'Allah. وبناء على ذلك فإن التوسل قسمان. Et maintenant qu'on a vu tout cela, on peut comprendre une chose, c'est que le tawassul, cet intermédiaire, ce moyen de rapprochement, il est de deux sortes. Il est de deux sortes. أولا توسل شرعي. Premièrement, un tawassul, un moyen qui est légiféré. ثانيا توسل بدعي. Un moyen qui est, deuxièmement, un moyen qui est innové. Donc les moyens de se rapprocher, l'intermédiaire avec lequel on se rapproche d'Allah, il est soit légiféré ou soit il est innové. Légiféré, on se doit de le mettre en pratique. Innové, on se doit de s'en éloigner. On revient au premier. At-tawassul ash-shar'i. Quels sont les moyens permis, légiférés, hein, le tawassul qui est permis? بالرجوع إلى الكتاب والسنة نجد أن التوسل المشروع ينحصر في ثلاثة أنواع. Lorsqu'on retourne au livre d'Allah et à la sunna de son prophète صلى الله عليه وسلم, on trouvera que le tawassul légiféré, hein, on ne le retrouve que dans trois choses. Il n'y a que trois sortes seulement. Hiya qui est. Awalan, at-tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi. De se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ses noms et de ses attributs. Donc, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'invoques en formulant un des noms d'Allah ou un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, deuxièmement, at-tawassulu ilayhi bil a'mal as-salihah. Tu te rapproches d'Allah dans ton invocation en citant une bonne œuvre que tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, troisièmement, at-tawassul ila Allah bidu'a'i ar-rajul as-salih. Troisièmement, le tawassul légiféré, c'est de se rapprocher d'Allah en demandant à une personne pieuse, une bonne personne, de faire des doigts pour toi. Donc une personne vivante que tu vas voir, tu dis, oh un tel, dans tes invocations, ne m'oublie pas. Oh un tel, prie Allah pour qu'il me donne telle chose, et ainsi de suite. Ça, c'est les moyens qui sont légiférés. وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَعَ أَدِلَّتِهَا. Et maintenant, nous allons voir ces trois sortes légiférées en détail avec leurs preuves. أولاً, le premier, التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. Donc, avec les noms d'Allah et les attributs. Et ses attributs. كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمْ فِي دُعَائِهِ. Comme si, par exemple, à titre d'exemple, le musulman dit dans son invocation, Allahumma, inni as'aluka bi annaka anta Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Aziz al-Hakim an tu'afini. Comme le fait de dire, oh Allah, je te demande, tout en reconnaissant tu es toi Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le puissant, le sage, de me guérir. Donc, tu l'as fait par le biais de ses noms. Ou yaqul, ou de dire, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay an tarhamani wa taghfir li. De dire, oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui a embrassé toute chose de me faire miséricorde et de me pardonner. Donc je te demande par ta miséricorde un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou nahwi dhalik, ou d'autres du'as semblables. Min du'a'i Allah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. D'autres invocations par le biais des plus beaux noms d'Allah et de ses attributs les plus nobles et les plus élevés. Wa qad dalla 'ala hadha an-naw' min at-tawassul al-kitab wa as-sunnah. Et cette façon de se rapprocher d'Allah dans l'invocation par ses noms et attributs, on a des preuves dans le Coran et la Sunna. قال الله تعالى الله دين القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Dans le sens du verset, Allah dit, et à Allah appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le avec ses noms, et délaissez ceux qui transgressent dans ses noms, ceux qui altèrent et dévient dans ses noms. Wa min as-sunnah, et dans la sunna, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, la yatamannayanna ahadukum al-maut li durrin massa, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al-wafatan wal-wafatu khayran li. Le prophète sallam a dit que l'un d'entre vous n'espère pas la mort parce qu'un mal l'a touché. Mais si vraiment il a besoin d'espérer la mort, alors qu'il dise, oh Allah, fais-moi vivre si tu sais que la vie est une bonne chose pour moi, et fais-moi mourir si tu sais que la mort est une bonne chose pour moi. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam fi du'a al-istikhara. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la dua, l'invocation de la prière de consultation. Hein, vous connaissez la prière de consultation, on fait deux raka'a, et après avoir terminé, on a fait le salam, et bien on fait la dua de consultation. Et dedans, on dit, Allahumma, inni astakhiruka bi'ilmika, wa astakdiruka bi'qudratika, wa as'aluka min fadlika al-azim. Hein, dans cette dua, qui est rapporté par Al-Bukhari, hein, oh Allah, je te consulte selon ce que tu sais, et je te demande par la capacité que tu as, et je te demande de tes grands bienfaits. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Et la parole du prophète sallam, et ce hadith il est rapporté par At-Tirmidhi et ainsi que Al-Hakim rahimahum Allah. Dans la doua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: ô toi le vivant, ô toi Al-Qayyum, comme ils traduisent, c'est ça. Celui qui se suffit à lui-même, hein? Ô toi qui te suffis à toi-même, de par, je te demande de me venir en secours par ta miséricorde. Donc il lui demande par le biais de sa miséricorde de lui venir en secours. Wa qawluhu fi du'a al-kard, et la parole du prophète sallam dans la doua, hein, lorsque quelqu'un est touché par un grand mal, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. Dans cette doua, et le hadith il est rapporté dans les, par l'imam Ahmed rahimahullah, le prophète Adam disait: je te demande ô Allah par tout nom que tu as qui t'appartient, que tu t'es donné à toi-même, ou tu l'as fait descendre dans ton livre, tu l'as révélé dans ton livre, ou que tu l'as enseigné à quelqu'un parmi tes créatures, ou alors tu l'as gardé auprès de toi dans le monde de l'inconnu. Donc là on voit bien, il demande par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwu hadha kathir min al-ad'iyya an-nabawiyya al-ma'thura. Et des doua semblables à cela, il y en a plein dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam rapporté. Thaniyan, deuxième façon légiférée, at-tawassul ila Allah bil a'mal as-salihah. Hein? De faire le tawassul auprès d'Allah, de se rapprocher par, auprès d'Allah par les bonnes œuvres. Wa dhalika fil a'mal as-salihah allati tawafarat shurutuha. Ceci par le biais des bonnes œuvres qui comportent les conditions de validité. Une bonne œuvre que tu as accomplie avec ces conditions. Accomplie sincèrement pour Allah, et cette œuvre, elle est en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Wa dhalika ka'an yaqul ad-da'i. Et ceci, comme par exemple le fait de que l'invocateur dit: Allahumma bi imani bika وَمَحَبَّتِي لَكَ وَاتِّبَاعِي لِرَسُولِكَ اِغْفِرْ لِي. Par exemple, il dit: ô Allah, par la foi que j'ai en toi, et l'amour que j'ai pour toi, et mon suivi que j'ai pour ton prophète ou ton messager, pardonne-moi. La foi que j'ai en toi, c'est une bonne œuvre, la foi. La foi est une bonne œuvre. L'amour que j'ai pour toi, l'amour pour Allah, c'est une bonne œuvre. Mon suivi que j'ai envers ton messager, le suivi du messager, c'est une bonne œuvre. Donc par le biais de ces bonnes œuvres, il lui demande de lui pardonner. Wa nahwi dhalik, et les doua semblables, min al-ad'iyya al-mashru'a, parmi les invocations légiférées. Wa yadullu li dhalika min al-Qur'an qawluhu tabaraka wa ta'ala. Et la preuve de cela, on a la parole d'Allah, Rabbana إِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِلْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. On a la parole d'Allah dans le Coran, dans lequel les croyants disent, dans le sens du verset: ô notre Seigneur, nous avons cru, alors pardonne-nous nos péchés et évite-nous le châtiment, protège-nous du châtiment du feu de l'enfer. Ça c'est dans le Coran. رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا. Ô notre Seigneur, nous avons cru. Donc, ils se rapprochent d'Allah par une bonne œuvre qui est la croyance qu'ils ont en Allah, la foi qu'ils ont en Allah. Pardonne-nous nos fautes et nos péchés et protège-nous, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Wa qawluhu Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin. Et dans la parole d'Allah, dans le sens du verset: ô notre Seigneur, nous avons cru en ce que tu as fait descendre et nous avons suivi le messager, écris-nous parmi les témoins. Wa qawluhu innana sami'na munadiyan yunadi lil iman أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Nous avons entendu quelqu'un qui appelle à la foi que vous devez de croire en votre Seigneur et nous avons cru. Ô notre Seigneur, pardonne-nous alors nos péchés et expie nos fautes, efface-nous les fautes et fais-nous mourir avec les vertueux, avec les meilleurs des personnes. Wa min as-sunna hadith Buraida radiyallahu anhu حيث قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول. Et dans la sunna, on a le hadith de Buraida radiyallahu anhu, lorsqu'il a, il dit que le prophète sallam a entendu un homme dire. Le prophète a entendu un homme invoquer Allah en disant: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa ant al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu un homme dire: Ô Allah, je te demande, tout en témoignant que je témoigne que tu es Allah, l'unique, le seul, qui n'a point de divinité digne d'être adoré si ce n'est toi. Tu es l'unique, le seul, tu n'as pas engendré et tu n'as pas été engendré et il n'y a personne qui t'égale à toi. Personne ne t'égale, personne n'est semblable à toi. Et le prophète, ensemble, lorsqu'il a entendu cet homme dire tout cela, il a dit, certes, il a invoqué Allah par son plus grand nom. Lorsqu'on demande à Allah avec ce plus grand nom, Allah il nous donne et lorsqu'on l'invoque, il nous exauce. Wa yashhadu li dhalika aydan hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma fi qissati thalatha alladhina dakhalu fi ghar. Et comme preuve aussi, il y a le hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. En parlant des trois hommes d'auparavant qui sont entrés dans une grotte. فَنْحَدَرَتْ سَخْرَ. Et il y a un rocher qui est tombé et qui a fermé l'entrée de cette grotte. فَسَدَّتْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ الْغَارِ. قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ. Ils se sont mis à parler entre eux. Il faut une solution pour s'en sortir. Comment sortir? Comment enlever ce rocher qui est venu fermer l'entrée? On ne peut plus sortir. Donc l'un a dit aux autres: ادعوا الله بصالح اعمالكم. Invoquez-le, invoquez Allah en vous rappelant une bonne œuvre que vous avez fait pour lui. Subhanahu wa ta'ala. فتوسل احدهم ببره لوالديه. Le premier a invoqué Allah par une bonne œuvre qu'il a accomplie, c'est le bon comportement et le respect qu'il a envers ses parents et l'obéissance qu'il donne à ses parents. وتوسل الثاني بعزوفه عن المعصية خوفا من الله تعالى حينما ذكرته ابنة عمه بالله بعد أن قدر عليها فتركها خوفا من الله. Et le deuxième a invoqué Allah par le biais d'une bonne œuvre qu'il a accomplie, c'est lorsqu'il s'est éloigné de la désobéissance par crainte et par peur d'Allah. Alors, lorsque sa cousine, il voulait coucher avec sa cousine, et elle lui a rappelé la crainte d'Allah, et alors qu'il était capable, il avait la capacité de faire ce mal, et elle lui a rappelé la crainte d'Allah, et il s'est retiré, et il n'a pas commis le péché par crainte d'Allah. وَتَوَسَّلَ الثَّالِثِ بِأَمَانَتِهِ وَصِدْقِهِ حَيْثُ نَمَّ أَجْرَ ذَلِكَ الرَّجُلِ الذي تركه حتى أصبح مالا كثيرا وجاءه بعد حين فأخذه ولم يترك منه شيئا. Et le troisième s'est rappelé d'une bonne œuvre qu'il était digne de confiance, digne du dépôt, de garder le dépôt et sa véracité. Pourquoi? parce qu'il a fait travailler un homme. Et l'homme est parti avant de prendre son salaire. Quand plus tard l'homme il est venu réclamer son salaire, il lui a dit tout ce qui est là est à toi. Il lui a dit comment ça? Il lui a dit avec ton salaire j'ai travaillé. Et ça là ce que tu vois c'est le fruit de ton salaire. Et il lui a tout donné, tout ce qui résulte de son salaire, avec son salaire. Et lui il n'a rien pris pour lui-même. Alors que personne n'était là pour dire quoi que ce soit. Mais lui il est véridique et il était digne cet homme-là. Et il lui a dit, tout ceci t'appartient. Ce n'est que le fruit de ton salaire. Le cheikh nous dit, là c'est le résumé de la, du récit. C'est un grand récit en détail. Mais là, il l'a seulement résumé. Et là, dans ce texte, il y a l'argument sur comme quoi le tawassul, de ce moyen est légiféré par les bonnes œuvres lorsque le musulman les a accomplies sincèrement pour son Seigneur. Taïb, on va s'arrêter là, inshallah, et on continuera après Salat al-Maghrib. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.